Chapitre 2 Celui qui voit. Cependant, je ne tardais pas à me réconcilier avec cet étrange voyage. Lord Clarence proposa de s'arrêter à Berlin. Lorsque, au Muséum Fort Volkerkunde, je contemplais les statues de style grec rapportées de Tourfan, les fresques évoquant la vie du Bouddha, d'une fraîcheur de coloris à rendre Degas jaloux, que le docteur von Lecoq réussit à extraire des parois d'un temple submergé par les sables, mon enthousiasme s'éveilla. Cette face du Bouddha, plus grande que nature, qui reparaît à intervalles réguliers, jeune et pleine, les yeux mi-clos, absorbés dans la contemplation intérieure, me poursuivait jusque dans mon sommeil. Ah, trouver nous aussi, exhumer du fond des siècles quelques figures immortelles, des regards, des sourires, de la chair vivante, endormie pendant un millénaire et les restituer à l'admiration des hommes. Clarence, lui, se courbait sur les vitrines qui protègent les beaux parchemins patiemment reconstruits, ornés parfois de miniatures. Pendant 3 jours, il ne cessa de les étudier. « Trouvez-vous quelque indice ?» demandai-je intrigué par la tension de son visage. « Ce sont des prières et des formules sacrées, » répondit-il. Des manuscrits rituels. Quelle bibliothèque, murmurai-je. Suivant les bouddhistes du Népal, le corps original des saintes écritures s'élève, quand il est complet, à 84 000 volumes. Enfin, nous sommes partis. Peu importe les détails, Constantinople, la traversée de la mer Noire, Batoum, Tiflis, les montagnes du Caucase, les eaux bleues de la Caspienne, le débarquement à Krasnovodsk et le chemin de fer interminable. Merv, Bokhara, Samarcande, Kokand. À Andijan, nous avons pris des voitures et à Auch, 10 chevaux pour passer le col de Kinjabai à près de 4 000 mètres d'altitude. Des pierres, des feuillets de rochers, des éboulis, une montagne morte qui se désagrège. Clarence salua la frontière de Chine en entonnant l'hymne national anglais. Des automobiles nous attendaient à Krasnodar. Nous étions si pressés de partir qu'à peine avons-nous donné un regard aux maisons cubiques lavées de chaux, prosternées dans l'enceinte d'une vaste muraille crénelée et qui semble demander au sol un refuge contre la brûlure du jour. La route suivit d'abord un cours d'eau nonchalant. Le long de ses rives, épousant tous ses méandres, coulaient deux fleuves de verdure, verdure monotone où les peupliers, les trembles, les tamaris mêlaient leurs feuillages en grisaille et qui s'arrêtaient net à la bordure des sables. Le désert nous enveloppait au-delà de l'étroit rideau d'arbres installé là tout exprès, disait Clarence, pour protéger les yeux. La route remonta vers le nord, la plaine devint plus morne, nous avons vu venir à nous le désert. Il nous assaillait à présent que nous avions perdu la mince défense d'un ourlet de verdure. Des vidages confus de dunes et de plateaux pareils, vagues de poussière que le vent nous jetait au visage, sensation de s'enfoncer à l'infini dans des espaces vides. Mais qu'importait cette mort de la terre? Il me semblait qu'au terme de l'immense randonnée, la figure du Bouddha nous attendait. Duncan, lui, déchiffrait d'avance des parchemins intacts. Il demeurait des heures sans parler, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il eût voulu le rapprocher, l'attirer à nous par la force de son désir. Ces interminables silences où nous poursuivions l'un à côté de l'autre des rêves si proches me faisaient sentir davantage à quel point les mots entre nous devenaient inutiles. J'avais recouvré toute ma confiance en lui. Son exaltation m'apparaissait plus raisonnable que le bon sens des gens ordinaires. Lorsqu'il s'éveillait de ses songes, il retrouvait son éclat de rire communicatif. Il lui arriva de jouer avec son boy, un garçon de 16 ans, qui lui était dévoué et qui nous rendait 1000 services. Comme un adolescent, Duncan s'amusait de tous les incidents du voyage. Le nom des puits l'enchantait, Uzumbula, la source des raisins, dans un pays désolé où les cailloux se multipliaient à perte de vue. Duncan, quel compagnon ! À vivre à ses côtés, dans ce continuel tête-à-tête, je goûtais une sensation de plénitude que je n'avais plus éprouvée depuis mes voyages de collégien. Je le lui dis un jour. Alors, comme de coutume, Lorsqu'il était mu, ce fut le mot anglais qui lui vint aux lèvres, « Splendid, this is not dear old fellow !» Et je l'entendis murmurer peu après, les yeux perdus dans le lointain, « Ils cherchent aussi le bonheur dans les déserts et sur les routes. » Un peu avant d'atteindre l'oasis de Kourla, sur les bords de Kutchedaria, nous avons rencontré la caravane de chevaux et de chameaux envoyés par les soins de l'oncle de Clarence. Le chef de l'escorte était un vieux Tibétain, aux larges pommettes jaunes, sans un pli, aux prunelles à peine visibles dans l'entrebâillement des paupières et dont le menton nourrissait de longs poils rares et tout blancs. Désormais, nous quittions la route de Karacha, la grande route de Pékin, et suivant des pistes à travers les sables, nous devions longer le versant sud de la chaîne désolée de Kourouktag, dans la direction de Nilgün. Brusquement, quand nous fûmes à cheval, le paysage se rapprocha, nous enveloppa, devint la réalité immédiate avec laquelle il fallait lutter. Les sables, la chaleur intolérable et ce tourbillonnement du Luss qui, parfois, semblait éteindre le soleil, les croupes arides qu'il s'agissait de franchir, alternant avec le lit desséché des Ouèdes où des buissons de tamaris tout gris de poudre nous faisaient soupirer après cette merveille que nous n'avions jamais estimée à son prix, un arbre, des espaces couverts de galets où butaient les pieds de nos montures, parfois la blanche dépression d'un chott brillant de sel, les haltes, le campement, les lits dressés sous les tentes jumelles, les longues marches la nuit au clair de lune, dans les sables pâles où des ombres vivantes semblaient flotter. Chaque soir, Clarence marquait l'étape sur la carte et il demandait au chef de l'escorte « Encore combien de jours pour arriver à Ami ?»« 13 jours, 10 jours, 6 jours. » Le pays s'allongeait, indéfiniment monotone. Nous contournions les divers ressauts d'une chaîne de montagnes nues, ravinées, où aucune plante n'avait jamais fleuri. Au pied de cette barrière venaient mourir les houles d'un océan de sable. À l'aube, je voyais Duncan soulever la toile de sa tente et fixer les yeux sur la montagne blonde, toute rose au soleil levant. Quelquefois, elle avait des tons d'ocre rouge et s'empourprait sous les rayons obliques. Et je savais qu'il pensait « l'endroit où la pierre commence à devenir jaune ». Mais elle restait couleur de sable ou de rouille, obstinément. Ce n'est qu'après son examen que Duncan s'apercevait de ma présence. « Bien dormi, old chap ?» demandait-il avec l'enjouement de naguère lorsque nous nous retrouvions au restaurant du boulevard Saint-Germain. Un soir, le vieux Tibétain répondit à la question de Clarence. « Encore 3 jours. » Avant l'aube, Duncan fut debout. Il guettait les premières clartés. Et tout à coup, ses yeux s'illuminèrent. Oui, la montagne avait changé de couleur. Des teintes de safran coulaient le long des pentes, et lorsque le soleil émergea des étendues de sable, elle fut éclaboussée d'or vif. « C'est ici » m'écriai-je, au comble de l'émotion. Clarence recouvra la parole « à cheval dans 5 minutes ». Je vis ses mains trembler tandis qu'il reployait la carte. Tout le jour, nous avons suivi le pied de cette montagne. Elle ne présentait aucune fente, aucune grotte, aucune ombre, si ce n'est l'ombre mince et verticale du rocher délité, ou les profondeurs bleues des longues cassures perpendiculaires qui déchiquetaient ses flancs. Le lendemain, nous avons gravi les pentes de cailloux, contourné des épaulements, descendu les ravins. Puis nous avons continué de longer la chaîne jusqu'au moment où la roche reprit sa couleur d'ocre rouge. Duncan et moi, nous nous sommes regardés. « Le cordonnier a peut-être menti, » murmurai-je. « Retournons en arrière, » répondit Clarence. Toute cette longue journée, il fut muet. Mais je laissais échapper mon inquiétude. Si cet homme nous a trompés, si nous sommes venus pour rien. « Mon ami, » dit-il à voix basse, « quoi qu'il arrive, je ne regretterai jamais ce voyage. » Mais je ne partageais plus sa foi. Et pendant les heures de repos, tandis qu'étendu sur le sable, sa longue vue en main, il explorait l'un après l'autre les replis de cette montagne maudite, je m'enfermais dans ma tente et je dormais, assommé de fatigue maintenant que l'espoir ne me soutenait plus. Je sentais autour de nous le mécontentement de l'escorte. Les hommes s'étonnaient de ses marches et de ses contre-marches, toujours retourner en arrière, revenir en avant, Recommencer, pourquoi ? Les jours se traînaient, pesant de leur chaleur inexorable, de leur monotonie. Nous n'en finissions plus de longer cette muraille. Tous les 10 kilomètres, Clarence faisait dresser le camp. Et il partait à cheval, emmenant 2 ou 3 hommes et son boy. Il fouillait chaque cirque de rochers, chaque terrasse, chaque vallonnement. Il battait tous les recoins de la chaîne désertique, dont les rampes, couleur de safran, buvaient le soleil avec une avidité redoublée. Il rentrait vers le soir, indifférent à sa fatigue, repartait à l'aube. Puis, nous reprenions notre marche lente à travers les sables. 10 kilomètres plus loin, il fallait s'arrêter encore, et l'inspection méthodique du nouveau secteur commençait. Couché devant ma tante, à la fin de la journée, je guettais le retour de Clarence. La brûlure du paysage se calmait, la nuit miséricordieuse s'approchait comme une délivrance. Déjà, les ombres violettes du crépuscule glissaient sur la montagne, effaçant les contours aigus. Avec un soulagement puéril, je la regardais se dissoudre à travers l'obscurité envahissante. Les silhouettes des cavaliers semblaient jaillir des sables tout à coup. Et rien qu'à regarder Duncan, un peu courbé sur son cheval, les épaules soucieuses, je savais que ses recherches demeuraient vaines. L'atmosphère, saturée d'orage, devenait irrespirable. Je ne cachais plus à Clarence mon découragement. Cet après-midi-là, je m'anéantissais dans une sieste accablée lorsque je m'éveillais en sursaut. Duncan était penché sur moi. « J'ai trouvé, » dit-il. « Quoi ? Mais quoi ? » balbutiai-je en m'adressant. « La grotte, c'est une fente, à peine visible. Il faut être dessus pour la voir. Je suis monté cet après-midi à mi-hauteur du premier contrefort. C'est là. » « Duncan, par cette température, c'est fou, » protestai-je. Pourquoi ne pas attendre ? » Il coupa mes sottes paroles. On ne pouvait plus attendre. Vous savez bien, l'escorte. Savigné, le cordonnier n'a pas menti. Vous êtes entré dans la grotte ? Non, j'avais besoin d'une pelle. Le soleil est moins ardent. Venez avec moi. Les hommes dormaient dans l'ombre des tentes. Seul le chef, assis à l'écart, attacha sur nous ses yeux, tandis que nous nous éloignions à cheval. Des pentes caillouteuses. Des feuillets de rochers. Le désert s'enfonçait derrière nous, absorbant à tel point la lumière que ses profondeurs apparaissaient limpides comme des eaux. Nous avons laissé nos montures au pied d'un roi d'épaulement qu'il fallut gravir et dont les aspérités déchiraient nos bottes. Duncan ne se retournait pas. Je le suivais tant bien que mal. Je n'existais plus pour lui. Il s'arrêta enfin. Nous atteignions une sorte de replat où les poussières de l'os s'étaient amoncelées. Et là, une fente étroite et longue, obstruée par les sables, entrebâillait la roche. Je répétais mal convaincu, « Vous croyez que c'est ici ?» Déjà, Clarence, avec une pelle de tranchée, entreprenait de déblayer l'ouverture. « Voyez, disait-il, ce n'est pas très dur. Ce sont des sables accumulés récemment depuis le dernier passage du cordonnier chinois. » Je l'aidai de mon mieux. L'effort de rejeter les pelletés sur la pente me mettait en nage. Nous n'avancions guère. L'amas de poudre brûlante se reformait toujours devant nous. Lorsque vint le crépuscule, nous avions dégagé l'entrée d'une sorte de couloir bouché par les sables. Tandis que nous rejoignions nos chevaux, l'orage éclata. Duncan, tout à sa joie, n'y prenait point garde. Et j'entendais ses paroles confusément à travers le fracas du tonnerre répercuté de paroi en paroi. En vain, je guettais la pluie. Pas une goutte d'eau ne tomba. Dès l'aube, nous étions au travail. Tout le jour, nous avons creusé, sans relâche. J'évaluais le temps qu'il faudrait pour évider le couloir s'il se prolongeait sous la montagne. Nous avions débarrassé 3 mètres à peine et déjà le soleil baissait. Tout à coup, la pelle de Clarence heurta la muraille de rochers. « Le boyau doit tourner à angle droit, » s'écria-t-il. « Nous aurons moins de sable. » Il fouillait avec une fièvre grandissante. Bientôt, son cri de victoire roula autour de nous, s'échappa vers le désert. « L'ouverture ! Voici l'ouverture !» Je le vis se courber, introduire sa tête dans le trou, et puis son corps. Et ce fut comme si une bouche de la montagne l'avalait. Enfin, j'entendis son rire. « Venez, venez donc, Haltchep !» J'obéis en exécutant une série de mouvements de reptation, m'attendant à être enseveli sous la couverture de l'os. Mais non, le couloir continuait à s'infléchir. Un vide se fit au-dessus de ma tête. J'aperçus à travers les ténèbres une sorte de boyau que remplissait le corps de mon ami. Le boyau s'élargit, prit de la hauteur, Clarence, se redressant, élevait sa lampe électrique, et tout à coup, sa voix triomphante fit tressaillir les échos du souterrain. Le rayon errant se perdait dans une salle vaste, aux parois enduites de leus, au sol couvert de fins limons où nos pieds enfonçaient. Le sable montait jusqu'à mi-hauteur de la voûte et par places s'agglomérait en masses confuses. Clarence, agenouillée, se courbait sur l'un de ces tas où l'on voyait pointer, accrochant la lumière, un bord de surface polie. Avec la pelle, avec les ongles, avec mon couteau, nous nous sommes acharnés. Et nous avons réussi à extraire un débris de parchemin où l'on distinguait des caractères et que le cordonnier sans doute avait perdu ou dédaigné d'emporter. Duncan le tenait entre ses doigts. Il penchait sous le rayon de sa lampe son visage pâle et contracté où, pour la première fois, je voyais rouler des larmes. Oui, il avait des larmes. « Il y en a encore, il y en a d'autres, » murmurait-il. « Et voyez là-bas, derrière ces amas de sable, le boyau continue. Il y a sans doute d'autres chambres, d'autres... » Son exaltation m'inquiéta. « Clarence, il doit être tard. Retournons au camp. Et demain, dès l'aube, nous serons ici, avec des ouvriers, des outils, des lampes. » Je réussis à l'emmener. À la sortie du souterrain, nous fûmes stupéfaits de constater que la nuit était déjà tombée. « Embrassez-moi, mon ami, » dit tout à coup Clarence. Nous sommes rentrés sans une parole au campement, dont nous voyons briller les feux. Le vieux chef nous attendait, le visage impassible. Les hommes dormaient déjà, roulés dans leurs cafetans et jonchant le sol inondé de lune. Le boy surveillait la soupe. « Demain, nous irons là-haut, » dit Lord Clarence, en désignant la montagne qui luisait faiblement sous le ciel laiteux. Le vieillard hocha la tête et ne répondit pas. J'étais brisé de fatigue au point de ne plus trouver le sommeil. J'écoutais le clapotis de la source qui dégouttait sur les feuillets de roche. Distinctement, j'entendis la voix lointaine d'un tigre, une toux exaspérée qui s'élevait par intervalles et que le bruit de l'eau comme un rire léger accompagnait en sourdine. Par l'entrebâillement d'étoiles, j'apercevais, sous la tente de Clarence, un ray de lumière. Lui non plus ne dort pas. Et tout à coup, je songeais, il travaille, il essaie de déchiffrer le parchemin. Je fus sur le point d'aller l'admonester, cependant je ne bougeais pas, retenu par je ne sais quelle crainte obscure. Avant l'aube, je le trouvais déjà prêt, qui vérifiait les sangles de sa selle. Il tourna vers moi un visage pâle que deux taches vives coloraient aux pommettes. « Je suis un peu inquiet de ce vieux type, » dit-il. « Pourquoi, vous penseriez que... » Il était rentré dans sa tente, et tout en parlant, je le suivis machinalement, comme j'avais fait tant de fois. Sur sa table s'étalait une grande feuille de papier, couverte de sa fine écriture. « Duncan, vous avez travaillé cette nuit. Vous avez transcrit ce texte et commencé à le traduire. » Une irrésistible curiosité me courbait sur cette traduction. J'avançai la main pour m'en saisir, mais je sentis les doigts de Clarence serrer mon bras comme un étau. « Non !» Stupéfait, je me retournai, et je vis une figure glacée qui m'était inconnue. « Vous avez déjà découvert des choses, et vous ne voulez pas me les dire ?»« Non !» Il corrigea plus doucement, « pas encore !» Cependant, l'impression pénible de cet incident s'effaça parmi les perplexités multiples de la scène qui suivit. Duncan avait pris à part le chef tibétain. Il lui parlait avec cet accent persuasif et cette chaleur qu'il avait lorsqu'il voulait obtenir quelque chose. Le vieux tenait ses yeux fixés à terre et parfois il laissait tomber une brève parole, toujours la même, dont je retrouvais le son et qui semblait casser net l'éloquence de mon ami. « Que dit-il » demandai-je impatienté. Duncan se tourna vers moi. Il dit « Je n'irai pas avec vous là-haut. » « Mais pourquoi ?» Duncan haussa les épaules, Ces gens-là ne s'expliquent jamais, répliqua-t-il. Et il reprit l'étrange conversation. Il dit qu'il y a en nous de mauvais désirs. Et c'est vrai, ajouta Duncan à voix basse, désir de trouver, d'emporter, de faire parler de nous, de connaître ce qui est interdit. Nous sommes venus ici poussés par le désir. Il recommença d'interpeller le vieux en désignant du geste les hommes de l'escorte, affairés autour des chevaux. Un seul mot de réponse, Duncan traduisit, demandez-leur. Alors, je le vis prendre à part, l'un après l'autre, chacun de ces hommes. Ils marchaient dans le sable à côté du Mongol énigmatique, tout en parlant. Les uns secouaient la tête, les autres se taisaient. Duncan revint vers moi, il semblait à bout de force. « Ils sont intraitables, » dit-il. « J'ai eu beau offrir de grosses sommes, oui, toujours cet argument-là que je hais, mais sur ces hommes encore purs, ils ne portent pas, non plus que sur le cordonnier chinois. Ils ont peur de perdre leur âme. Il n'y a que trois d'entre eux, les plus jeunes, le grand qui s'occupe de nos chevaux et les deux qui sont auprès de lui. Ils m'ont dit, nous avons confiance que vous nous ferez rien faire de mal. Eh bien, lui dis-je, avec nous deux et votre boy, cela fera six terrassiers. » Il posa sur moi son sourire. « Oui, répondit-il. Merci, Pierre. Je vais envoyer les autres à Ami avec une lettre adressée au maire de la ville. Ils achèteront des vivres en abondance et reviendront nous retrouver ici. » « Reviendront-ils ? » « Oui, sinon le maire nous en enverra d'autres. Le ministre a donné des ordres. Mon oncle est un de ses amis. » Une fois de plus, j'admirais cette toute-puissance si brièvement exprimée. De la terrasse de la grotte, nous avons vu les silhouettes de l'escorte galoper dans la direction de Nilgun, se perdre à l'horizon, comme bu par les sables. Seuls restaient avec nous les jeunes hommes et un vieux bonze à cheveux gris qui fut promu gardien du camp. Désormais, nous avions fini d'errer. Les tentes s'échelonnaient le long du lit d'un oued à sec où l'on voyait affleurer parmi les cailloux d'énormes dalles. Par bonheur, une source jaillissait entre deux feuillets de rochers, éparpillait sur les marches des fils d'eau pure qui cascadaient avec un joli bruit frais avant de se perdre à quelque distance. Cette source était notre seul confort, l'unique rappel de la vie dans ces solitudes mortes. Des jours harcelants coulèrent. Nous ne quittions presque plus le souterrain. Il fallut d'abord dégager le boyau obstrué par les sables. Nous remplissions sans relâche les brouettes démontables qu'on faisait rouler sur un rail de bois. Les ouvriers, tour à tour, allaient culbuter la charge à l'extérieur. J'avais des ampoules aux mains et le dos brisé de courbatures. Il me semblait perdre l'espoir d'en finir jamais, et cela d'autant plus que nous ne trouvions dans ces amoncellements de sable pas le moindre débris de statue ou de poterie. Clarence, lui, ne manifestait aucune fatigue, et lorsque nous abordâmes la salle qui lui avait livré le premier parchemin, il ne la quitta plus de tout le jour, emportant sa nourriture, renonçant à la sieste et travaillant parfois seul dans la soirée, longtemps après le départ de ses trois acolytes. Je rentrais avec eux au campement, je prenais mon repas solitaire que le vieux gardien me servait en silence, et je demeurais là, sans penser, à regarder le crépuscule, noyé de violet l'immensité des dunes, à écouter bruire le fil d'eau, à guetter la toux lointaine du tigre, annonçant qu'il commençait sa ronde de nuit, que ce pays était désolé. J'étouffais de solitude. Duncan devenait un étranger qui se cachait de moi. Je ne pensais pas encore pourquoi ai-je cédé, pourquoi l'ai-je accompagné, mais ce sentiment était tout proche. Il rôdait à la porte de mon esprit et je l'empêchais d'entrer. Cependant, la salle vidée de sable commençait à laisser voir ses parchemins qui semblaient jetés là, pêle-mêle, dans le désarroi d'une fuite. Les trois Tibétains évitaient de les toucher, de les regarder même, et Duncan en remportait chaque soir qu'il dissimulait sous sa veste blanche. « Ce sont des manuscrits chrétiens sans importance, disait-il, comme s'il eût voulu prévenir mes questions. Des liturgies. Il y a aussi des fragments de la fameuse théogonie manichéenne. J'ai identifié un feuillet dédié à Zoroastre. C'est un débris de dictionnaire. Ils sont en meilleur état que ceux de Von Lecoq. Et cependant, eux aussi, sont mêlés et quelques-uns même en partie détruits. Voyez, il me montrait un parchemin déchiré. Que voulez-vous, lui dis-je en essayant de rire, le vent, les cordonniers? Que savez-vous si notre homme n'a pas fait école? Et le continuel tourbillonnement des sables efface les traces. Il me semblait qu'il était déçu, lui aussi, et cette déception le rapprochait de moi. « J'ai trouvé des manuscrits boutiques, me dit-il un matin, et je compris qu'il avait passé la nuit dans sa tente à les déchiffrer. Ses yeux brillaient, il ajouta, ici comme à Tourfan, les manichéens, les disciples de Zoroastre et ceux de Bouddha vivaient les uns près des autres. Ils avaient, pour leurs trésors rituels et leurs bibliothèques, des sanctuaires qui se touchaient. « Des trésors rituels, grognai-je, nous n'en avons guère aperçu jusqu'ici. Pierre, j'arrive à la conviction que notre salle appartient à tout un système de souterrains. Il y avait ici de vastes constructions, établies dans l'évitement de la montagne et que des éboulis successifs ont recouvertes. Monastères moins fastueux que ceux de la ville sainte de Tourfan, mais plus secrets peut-être. Il faudrait pour les exhumer des équipes nombreuses et des mois de travail. Vous les signalerez au retour à quelques missions. Quel accent je donnais à ce mot de « retour ». Le cordonnier chinois a dû pénétrer plus avant que nous, poursuivit Duncan, sans prendre garde à ma méchante humeur. Les manuscrits que nous recueillons furent apportés par lui dans cette salle proche de l'entrée. Il avait commencé de les trier selon leurs dimensions. Il comptait revenir sans doute. Pierre, notre grotte doit communiquer avec d'autres alvéoles dont l'entrée est détruite. Je ne répondis pas. Je pensais, avec nostalgie, à mon appartement rue de Vaugirard. « Vous êtes malade, Savigné, » dit-il tout à coup, retrouvant l'inflexion affectueuse de naguère. « Accordez-vous donc 2 ou 3 jours de vacances. Ce métier de terrassier que je vous inflige, il faut me pardonner, dit Hold Fellow. Si je lui pardonnais. » Ce fut le lendemain, je crois, lorsque, après une sieste fiévreuse qui ne me donna pas le repos, je rejoignis la grotte, je vis Clarence sur le seuil me guettant. « Venez !» Il jeta un coup d'œil aux 3 Tibétains, occupés à rouler leurs brouettes vers l'orifice lumineux, et il m'entraîna au fond de la salle. « J'avais raison hier, chuchotait-il. J'ai découvert le couloir de communication et l'autre salle, la salle bouddhique. Derrière le tas des parchemins, on devinait une ouverture taillée dans la muraille et à demi comblée par les sables. Clarence avait commencé le déblaiement. Nos corps étendus pouvaient juste s'y glisser. Le boyau s'infléchit, puis devint plus large, plus haut, libre d'obstacles. Nous nous sommes mis debout et nous marchions dans le rayon de la lampe que Duncan élevait par-dessus son épaule. Un arc taillé dans la voûte se dessina. Le pinceau de lumière colora brusquement un reste de peinture écaillée sur la pierre, une figure aux yeux étroits, une draperie. Et j'aperçus dans l'ouverture de l'arc un espace vide que noyaient les ténèbres. « Je ne suis pas allé plus avant, » murmura Duncan. « Je ne pouvais tout seul venir à bout de ceci. » Ceci. Il se baissa. Il montrait une masse obscure, barrant l'entrée, et il projeta sur l'obstacle la lumière de sa lampe. C'était un amoncellement de cadavres. J'eus un tressaut d'horreur et un recul involontaire. Duncan pencha sur moi son visage souriant. « Ce n'est rien, Oldchep. Voyez, ils tombent en poussière. Nous allons simplement les reculer un peu pour qu'ils nous laissent passer. Rappelez-vous qu'à Tourfan, ils en ont trouvé 300. Ici, il n'y en a guère plus d'une dizaine. Macabre besogne, ils tombaient en poussière, en effet. » Des ossements sortaient des tissus noircis qui avaient dû être des vêtements et qui nous restaient aux doigts, fusés par les siècles. C'était une sensation affreuse, ces corps que nous essayions de transporter et qui s'écroulaient entre nos mains, se dissolvaient tout à coup en matière impalpable. Nous avons fini par repousser ces cendres avec nos pelles afin de lutter contre un malaise grandissant. Je dis sur un ton de plaisanterie, je tâcherai de prendre quelques crânes. Pour mon ami, le professeur Boule. Les crânes sont mieux conservés, répondit tranquillement Duncan. Tenez, rangeons-les ici. Pauvre diable. Sans doute ont-ils voulu défendre leur sanctuaire, un de ces jours de sauvage massacre ordonné par l'empereur de Chine. Maintenant le passage était libre. nous avons pénétré dans une salle vaste, irrégulière, dont le massif de maçonnerie s'appuyait sur une rangée de piliers qui se perdaient au milieu des ténèbres. Des pans de murailles avançant la divisaient en une série de logettes. Duncan ne s'attarda pas à considérer, le long des parois, des lambeaux de fresques où le rayon qu'il projetait allumait ici et là un reste de couleur. Il ne se pencha point sur les amas de parchemins, à demi recouverts de sable, qui m'arrachèrent une exclamation de surprise joyeuse. Il suivait à pas comptés le mur de soutènement, et il examinait les dalles comme s'il eût cherché quelque chose qui l'attendait. Il s'arrêta enfin, se baissa, et je distinguais, presque à ras du sol, une fente assez large pour laisser passer un mince corps d'homme, et si bien dissimulé entre deux angles saillants qu'il fallait être prévenu pour l'apercevoir. Je pensais étourdiment que c'était quelque soupirail destiné à l'aération lorsque je vis Duncan s'allonger sur les dalles et se glisser dans cet entonnoir. « Clarence, c'est fou ! À quoi bon essayer de le retenir ? Il n'écouterait aucun conseil, aucune prière. Alors, je l'ai suivi. Les aspérités de la voûte râpaient ma nuque et je rentrais de mon mieux ma tête entre mes épaules sous peine de recevoir un coup dur asséné en plein crâne. Le corps de Duncan interceptait la pauvre clarté de sa lampe. Je sentais peser cette nuit compacte et ses épaisseurs de rochers, cette voûte à peine entrebâillée, prête à se refermer sur nous. Une insoutenable angoisse me faisait haleter. Combien de temps dura la lente reptation de nos corps sur les dalles froides, le long de ce boyau qui me semblait peuplé de bêtes immondes, imprégné d'une odeur de cadavre? Je ne sais. Plus tard, lorsque j'y suis retourné, je m'étonnais de le trouver plus bref que je ne me le figurais. Ce jour-là, il me parut interminable. Je sentis que Duncan n'avançait plus. Il me sembla qu'il frappait sur une paroi. J'entendais les coups sourds dont la répercussion remplissait les trois couloirs, puis un choc, comme si le battant d'une porte s'ouvrait, jeté contre la muraille. Soudain, un éclair m'aveugla, et j'aperçus Clarence hors du tunnel qui penchait sur moi l'ampoule de sa lampe et guettait ma sortie. Je me mis debout en frissonnant. Oui, c'était bien une porte qu'il avait repoussée, une étrange porte dont la pierre sculptée imitait des traverses de bois. Nous étions dans une chambre exiguë, arrondie en forme de dôme, et je regardais avec hébétude le rayon électrique lentement promené sur la maçonnerie de la coupole. « Le stupa, » dit Duncan à voix basse, « le sanctuaire qui symbolise, selon une tradition très ancienne, le bol renversé du Bouddha. Et voyez, dans l'axe de la voûte, ce trou circulaire où s'insérait un mât, en souvenir de son bâton de pèlerin. » Je regardais la lampe qui pouvait s'éteindre. J'étais oppressé par ces ténèbres, par l'atmosphère à la fois lourde et crue, et puis cette odeur que je ne saurais définir. Tout à coup, je perçus un chuchotement que l'émotion étrangla. « Look, look here, look !» Le jet de lumière faisait surgir de l'ombre, seule, au fond de la rotonde vide, une figure plus grande qu'une figure humaine. Involontairement, nous avons assourdi le bruit de nos pas en nous approchant, sans cesser de l'éclairer, et nos yeux, que la crainte d'être abusés rendait vacillants, reconnurent les draperies bleues et la jeune face d'un Bouddha. Duncan, d'une main respectueuse, enleva la poudre de l'œs qui la ternissait. Nous avons étouffé un cri d'admiration, aussi fraîche que si elles avaient été broyées la veille, entrecroisant leurs harmonies délicates et savantes, le thème des roses et le thème des bleus. Les couleurs apparurent sur ce pan de muraille comme une floraison inouïe, un prodige de jeunesse et de lumière au sortir de cette nuit hantée de cauchemars. Une pâle figure dont le nimbe brillait sur un fond couleur de pourpre. Le peintre l'avait dépouillée de l'embonpoint traditionnel. Sans doute avait-il voulu représenter le Bouddha au moment de l'illumination, alors que, pendant 7 fois 7 jours, assis sous le figuier sacré, le saint demeurait inondé de joie divine. Plénitude de la délivrance, les maux s'étaient évanouis d'eux-mêmes, le péché vaincu avait fini de le harceler. péché de convoitise, péché d'attachement aux choses terrestres, péché d'erreur, péché d'ignorance, tous les péchés, toute la misère humaine. Il avait atteint la sagesse. Le pur ovale, aminci par les jeûnes, rayonnait de sérénité. Mais ce qui nous surprit davantage, c'était l'attitude inusitée de ce Bouddha. Il était seul, aucun disciple à ses côtés, ses longues mains n'étaient pas levées l'une contre l'autre, la droite touchait le sol du bout de l'index, la gauche se projetait en avant et semblait désigner quelque chose. Les yeux grands ouverts, extraordinairement dilatés entre les paupières allongées, dardaient un regard fixe et rempli de lumière qui semblait nous traverser et se perdre dans un monde invisible. J'évoquais les Bouddhas de Tourfan, leurs pupilles presque éteintes entre les paupières abaissées dans l'effort de concentration intérieure. Celui-ci semblait en proie à une vision qui se déroulait en dehors de lui quelque part au-delà des choses et des êtres et que sa main semblait poursuivre ou peut-être arrêter et qu'il contemplait le visage impassible. Plus je le considérais, si proche, si vivant, plus il semblait s'éloigner de nous. Sa majesté s'affirmait et aussi son mystère. Il apparaissait séparé des hommes par toute la profondeur de la révélation miraculeuse, enfermé dans un ineffable secret. Quel est donc le génial artiste qui a su rendre sensible aux yeux d'un incrédule comme moi de tels mouvements de l'âme? Tout à coup, le Bouddha s'évanouit, effacé par l'ombre. Mon compagnon, courbé en deux, sa lampe à la main, s'efforçait de déchiffrer un mot qui inscrivait au bas de la fresque ses caractères peints en noir. « Celui qui voit !» s'écria Duncan. « Celui qui voit !» répétai-je, comme en rêve. « Ils ont gravé là, celui qui voit !» Et il murmura, « C'est bien lui, celui que j'attendais !» Nous sommes demeurés quelque temps en silence. J'avais pris la lampe et la tenant à bout de bras, je regardais réapparaître cette figure dont la vie impérieuse et muette semblait remplir l'espace autour de nous. « Venez, Pierre, dit enfin Duncan, il ne faut pas que les Tibétains pénètrent ici. Ce pourrait être notre arrêt de mort. Venez, venez, il faut barrer l'entrée. Il faut... » Il m'entraînait, me ramenait vers la porte de Pierre et je sentis sur mon bras le tremblement convulsif de sa main. « Allez vous reposer, » ordonna-t-il aux trois hommes qui manœuvraient leurs brouettes. « Nous ne travaillons pas davantage aujourd'hui. » Et lorsque nous fûmes seuls, « retournons prendre un mort, » me dit-il, avec cette ardeur sourde qui changeait sa voix. Je ne pus retenir une protestation, mais il eut un geste inflexible. Je le suivis. « Aidez-moi. » Il s'empara d'un corps, celui qui, à l'examen, lui parut le plus résistant. Et tous deux, nous le transportâmes jusqu'à l'orifice du boyau. Il me semblait sentir ce cadavre se dissoudre sur moi, m'entraîner avec lui dans un éparpillement de mon être parmi la poussière et le sable. Duncan le coucha devant l'étroite ouverture. « Les Tibétains se refusent à toucher les morts, » murmura-t-il. « Ainsi, je serai bien sûr qu'ils n'iront pas plus loin. » Lorsque nous sommes ressortis au grand jour, je fus effrayé de l'altération de son visage où se mêlait bizarrement le triomphe et une sorte d'anxiété. Sans doute avait-il la fièvre. Il me regarda, sourit et murmura « C'est mieux que tout ce que j'avais imaginé, Holdchep. Alors, vous comprenez. » Nous avons regagné le campement en silence. J'envisageais déjà la possibilité de transporter en France la fresque admirable. Le docteur von Lecoq m'avait expliqué sa technique. J'avais dans mon bagage de l'ouate, des tissus de laine douce, des cadres. L'idée de doter le musée Guimet de ce trésor unique m'enchantait. Mais lorsque je parlais de ce projet à Clarence, il eut une hésitation qui me surprit. « Si vous voulez, dit-il enfin, aussi bien d'autres fouilleurs pourraient venir. Seulement prenez garde que les Tibétains ne s'en doutent pas. Mon boy vous aidera. » Ce fut avec enthousiasme que je rampais le long du tunnel. Pendant 3 jours, tandis que Duncan exhumait les parchemins de la salle aux logettes, je travaillais dans la rotonde, seul, avec le boy. et chaque fois que nous passions, il fallait transporter le mort, gardien du sanctuaire. J'éprouvais de grandes difficultés à détacher la fresque, et même, en dépit des précautions les plus minutieuses, je fendis la figure du Bouddha par le milieu, ce qui me causa un malaise que de toute la journée je n'arrivais pas à secouer. Et je répétais au boy, comme pour me consoler, « Je rapprocherai les morceaux si bien qu'on ne s'apercevra de rien. » Lorsque la rotonde apparut, dépouillée de son hôte vivant et clairvoyant, le malaise devint une sorte de regret incompréhensible. Décidément, ce pays étrange, la fatigue et, peut-être aussi, les bizarreries de Clarence affectaient mon système nerveux. Le Bouddha remplissait de caisses bourrées d'ouates et de paille fine que je dissimulais entre mes porte-manteaux. Je pensais, quelle chance que le vieux chef soit absent. Et le soir, tandis que nous humions le crépuscule, couché sur le sable, j'annonçai à Clarence, « J'ai fini. Celui qui voit est emballé. »« Ah, très bien, » répondit-il. Je m'étonnai qu'il semblât se désintéresser de mon entreprise. Alors, j'essayai de rompre le silence. « Quel sens attribuez-vous donc à cette fresque ?» Il tressaillit et se tourna vers moi. « Ce Bouddha lit dans l'avenir, » dit-il posément. « Duncan, la tradition, explique-t-elle comment on peut lire dans l'avenir ?» Il répondit, « Le Bouddha a observé une très dure discipline intérieure. Et peut-être y a-t-il des secrets, oui, des secrets qui ne sont pas, qui ne seront jamais révélés. C'est pourquoi cette figure a dû être cachée aux yeux humains. La contempler paraît presque un blasphème. Le ton si grave m'irritant, il n'aurait point parlé autrement s'il avait exposé les rites d'une religion chère à son cœur. Alors, de quel blasphème je vais me rendre coupable, dis-je malgré moi. À Paris, des yeux sans nombre pourront le contempler. Le regard de Duncan me fixant une seconde, un sourire mince aussitôt effacé, et sa voix lointaine qui murmura « Qui sait si nous arriverons à Paris sans encombre ?» Je n'ai pas répondu. Ce fut le lendemain, tandis que je travaillais dans la première salle, que Duncan me dit à voix basse « Un accident déplorable. Un des ouvriers, celui qui était souffrant ce matin, vient de mourir. » Je laissai échapper une exclamation « Chut ! Les deux autres ne savent pas encore. Je leur expliquerai tout à l'heure. » Un cas d'insolation, évidemment. Nous avions 40 degrés à l'ombre hier. J'étais atterré. Lorsque nous avons repris le chemin du campement, dans le crépuscule, Duncan ralentit le pas, attendit les deux ouvriers et se mit à leur parler, d'une voix prudente. Eux l'écoutaient sans un geste, silencieux, les yeux attachés au sol. Le gardien du camp se tenait accroupi devant une tente dont les toiles étaient tirées. Le dîner fut silencieux, servi par le boy qui retenait ses larmes. Nous pensions au jeune homme couché sous un drap dans la tente hermétique. 2 jours après, ce fut le tour du second ouvrier. Il ne se leva pas à l'appel, j'allai vers lui pour le secouer et le trouvai raide et déjà froid. « Duncan, que va dire le vieux chef quand il reviendra ? Ne risquons-nous pas des représailles ? Ne pensez-vous pas que nous devrions aller à Ami, nous mettre sous la protection des autorités ?»« Je n'ai pas terminé, » répliqua-t-il rudement, « et nous sommes partis pour la grotte. » L'ouvrier survivant marchait à contre-cœur. Son visage était couleur de terre, et il allait les yeux baissés. La première salle, entièrement déblayée, semblait plus vaste, et je vis que Duncan avait presque achevé le tri des parchemins qu'il comptait emporter. Je le soupçonnais d'être revenu tard dans la soirée avec son boy et d'avoir travaillé la plus grande partie de la nuit. « Quel dommage de ne pouvoir tout prendre, » murmurait-il. « J'ai mis là les miens, et ici ceux que je donnerai au British Museum et au Louvre. Et voici le tas de ceux qui resteront gardés par les sables jusqu'au prochain voyage. » Je ne répondis pas. Je l'entendais à peine, une sourde inquiétude occupait ma pensée, et je surveillais le jeune Tibétain que je croyais voir pâlir et s'appuyer au mur. Il y a sur nous une sorte de malédiction. Ces mots tournaient et retournaient dans mon esprit vide. je rencontrai le regard de Duncan. « Allumez donc une cigarette, old fellow, » dit-il affectueusement. « Duncan, comment expliquez-vous ces morts subites ?»« Je n'essaie pas d'expliquer. Voulez-vous me passer la lampe pour que je jette encore un coup d'œil au manuscrit qui reste ?»« Merci. » Penché sur les parchemins qu'il était forcé d'abandonner, il les examinait avec un regret désolé et parfois il en remettait un sur le tas qui devait partir. J'offris une cigarette à l'ouvrier, mais il le refusa du geste. « Il n'est pas bien, » murmurai-je, saisi d'un brusque désespoir. Duncan revint avec nous pour le linge, ce qu'il n'avait pas fait depuis bien des jours. Après le café, il s'approcha du vieux gardien du camp et lui parla longuement. Je voyais cet homme de dos, accroupi, immobile, dans les longs plis de son cafetan, et sa tête oscillait de droite et de gauche, comme celle d'un magot de porcelaine. Duncan me rejoignit enfin. « Que dit-il ? » demandai-je. « Je lui explique que la mort de cet homme est toute naturelle. Il faisait refroidir son eau dans ses caves. Il la buvait, tout en sueur, malgré ma défense. Et lui ne croit pas ?»« Non. Je devine ce qu'il pense, que les profanateurs des choses saintes sont punis. Je lui dis que vous et moi aurions dû, en ce cas, être frappés les premiers. » Qu'a-t-il répondu ? Ceci, ce qui est un blasphème pour eux, ne l'est pas pour nous, qui sommes d'une autre religion. À cet instant, le vieux se retourna, il nous regardait comme s'il eût compris nos paroles, et je saisis son expression ambiguë. C'est tout ce qu'il a dit, insistai-je. Non, il a ajouté quelque chose comme, d'ailleurs vous deux, vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais ne soyez donc pas nerveux, Pierre. Il ne pouvait pas formuler autre chose. « Tout de même, murmurai-je, si le troisième meurt aussi, et votre boy, nous allons nous trouver seuls dans le désert, avec ce vieux. Eh bien, à nous deux, nous en ferons façon, » répondit Duncan sur un ton de plaisanterie qui m'offusqua. Le même jour, après le coucher du soleil, Clarence signala l'arrivée de l'escorte. « Nous n'avions presque plus de thé, » s'écriait-il avec une allégresse de gamin. On voyait la caravane se dérouler sur le ciel fauve comme une procession d'ombres minuscules. Le désert autour d'elle paraissait plus vaste, uniformément peint d'or pâle, baigné dans ne sais quel reflet venu d'ailleurs de la face invisible du monde où la lumière se réfugie. Duncan, muni de sa longue vue, comptait les chameaux, les chevaux, les hommes. « Ils sont en retard de plus d'une semaine, » dis-je à voix basse, « mais ce retard nous a servi. Que va-t-il se passer maintenant ?» Duncan n'écoutait pas. « Ils seront ici dans 2 heures. Demain, Savigny, nous emballons les parchemins, nous remblayons l'ouverture de la grotte, et nous partons après-demain pour l'Europe. » « Sans toucher à mes, pourquoi perdre 10 jours, puisque voici les vivres ? D'ailleurs, je ne vous cacherai pas, old fellow, que je préfère que les autorités chinoises ne mettent que le moins possible le nez dans nos bagages. Votre Bouddha, mes parchemins, nous pourrions bien ne pas avoir la chance de Fon Lecoq. Des lois nouvelles sont dans l'air. Il suffirait d'un fonctionnaire trop zélé. Évitons les villes. » Évitons les villes. Moi, j'éprouvais le désir intense de me retrouver dans une ville, de revoir des hommes autres que ces sinistres Tibétains, d'entendre d'autres bruits que la toux sempiternelle du tigre. La pensée du merveilleux Bouddha que j'emportais me réduisit au silence. Je m'étais jeté sur mon lit. Le bruit des voix, le hennissement des chevaux me tirèrent de mon demi-sommeil. Je sortis. Je vis le chef tibétain en face de Duncan. Autour d'eux, des silhouettes inconnues, 3 hommes vêtus d'amples robes se profilaient confusément. Je m'approchai. C'était un prêtre bouddhiste, escorté de 2 moines solides qui ne le quittaient pas. « Qu'est-ce que ces gens viennent faire par ici ? » demandai-je à Duncan. Le chef prétend qu'ils vont à un couvent, à 150 kilomètres au nord, dans les montagnes, et qu'ils ont fait le détour pour visiter la grotte demain matin. « Allez dormir, old chap. Il faut être de bonne heure sur pied. Je ne me soucie pas qu'ils aillent là-haut avant nous. » Je sentis que Duncan était inquiet. Il ne rentra dans sa tente que lorsque tout le camp fut plongé dans le sommeil. Il faisait encore nuit, cette nuit pâle du désert qui ressemble à une aube, lorsque je m'entendis appeler « Pierre, Pierre !» Je me dressai sur mon séant, une odeur de fumée me saisit à la gorge, d'un bond je fus debout. « Le feu au campement ?»« Non, ce n'est pas le campement qui brûle, » dit Clarence d'une voix altérée. « Regardez, là, là !» Une longue bouche flamboyante, au flanc de la montagne, à peine visible. « C'est l'ouverture de la grotte, » gémit-il, « nos parchemins brûlent. Ah, les misérables !» Il eut un mouvement pour se jeter sur les hommes qui dormaient à quelques pas. On les distinguait bien, le prêtre, les deux moines, le vieux chef, allongés sur le sable parmi les plis des cafetans, ensevelis dans le plus innocent sommeil. Mais Duncan se ravisa. « Allons là-haut, » intima-t-il à voix basse. « Peut-être pourrons-nous sauver une partie. Je prends les pelles. Avertissez le boy qu'il nous rejoigne. » Nous courions haletants le long de la croupe pierreuse. Sauver une partie, quelle illusion! Un énorme brasier où se tordaient les parchemins barrait l'entrée. De manuscrits transportés la veille, en deux grands tas, près de l'orifice, pas un n'avait échappé. Et ceux qui sont restés dans la salle ont le même sort, dit Clarence, en montrant les tourbillons de fumée qui s'exhalaient des profondeurs. Au retour, nous avons trouvé le chef de l'escorte en train de faire une toilette sommaire. Il tourna vers nous une face ensommeillée et réprima un bâillement. Le prêtre et les deux moines avaient disparu. Duncan lui adressa rudement la parole. Le vieux secoua la tête et répondit avec calme. « Voilà ce que c'est que de fumer des cigarettes sur des tas de parchemins secs comme des pailles de l'an dernier. Où sont les autres ?» lui cria Clarence. « Il n'y avait plus rien à voir, » répliqua le vieux, impassible. « Ils sont partis, ils étaient déjà en retard. » Ce fut tout ce qu'on put en tirer.